Yoko luka luka kakambongo Bisenga senge la tango nyonso Oka nisinde okozwa mingi Ndeko ya mwasi oko mikosa Bileka leka leka ya pamba Bila lela lela zangitina Oka nisinde okozwa mingi Ndeko ya mwasi oko mikosa Mbwazali Na makolomine Alandaka Zela semoko Kasi kasi yo Makolomi bale kaka Olingi Banzela zomi Kolinga linga mi bali nyonso Mo baby sans auto pamba pamba Okomi loko la fula fula Matete yolo gaba masina Ipopo pemboka monene Sone tuku mi bale na mine Oko sukisa denge nini Oko sirisa mbula nini Kolinga linga mi bali nyonso Mo baby sans auto pamba pamba Oko mi loko la fula fula Matete yolonga ba masina Lipopo pemboka monene Zone tuku mi bale na mine Oko sukisa denge nini Oko sirisa mula nini Laissez tomber, Banzé la wana, laissez tomber. Laissez tomber, Banzé la wana, laissez tomber. Les allez liwana. Na bonde liyo, na fukamiye. Laissez, laissez, laissez tomber. Laissez tomber, Banzé la wana, laissez tomber. Les allez liwana. Gomé, gomé, il faut gomé. Bapotignon soya yo sala. Laissez tomber, Banzé la wana. Laissez tomber, les allées liwana. Laissez tomber, Banzé la wana, laissez tomber. Laissez tomber, Banzé la wana, laissez tomber. Les allées liwana. Na piolo liyo, na piolo liye. Tika tika tika tika. Laissez tomber, Banzé la wana, laissez tomber. Les allées liwana. Gomé, gomé, il faut gomé. Ta faute, il n'y a pas de salade.